Ouais, ouais. L'INSEE, Ahmed Coma, Scred Connex. Tu veux savoir qui on est? Hey. Je suis le genre de gars, un peu grunz et esquinté. Claque mon genre dans les bars, le tiercé, le quinté, la peau teintée. Comme la plupart de mes potos, j'ai les chicots niqués à te gâcher la photo. Je suis le genre de gars qui se fait péter au radar. Rien à foutre, moi je fonce, toujours prêt pour la bagarre. L'invite pas, quand il a bu, il abuse. Un pack de 16 et la France, il abaisse. Toujours OP quand le micro il est open. Même s'il faut laisser la place aux jeunes. Venu des bas-fonds, jamais les bras j'baisse. Jamais sous-estimé, un mec de barbesse. Venu de nulle part, j'viens laisser ma trace. Quelques écrits sur quelques paperasses. Venu de nulle part, j'viens laisser ma trace. Toi-même tu sais ça passe ou ça casse. Ahmed Coma, j'ai pas la haine mais la rage comme essence. On se connaît pas, commençons, faisons donc les connaissances. Provenance, best bar, 18 à Paris. MC Vat in Algérie, j'balance les rimes en série. L'IMC, j'ai pas la haine mais la rage comme essence. On se connaît pas, commençons, faisons donc les connaissances. Provenance, 7-7, pour les gars de Roissy. MC Vat in Algérie, j'balance les rimes en série. On me demande qui je suis. Eh ben j'réponds, c'est étranger en France. Ma condition ici, tel un étranglé en transe. J'suis comme ce jeune tagueur qui nique le système sur un mur. Ou bien cet Irakien en pleine prière dans une ligne de mire. Qui je suis. L'école ne supportait plus, celui qui écrit des textes sous le soleil ou bien jour de pluie. Dans le métro, je suis ces jeunes qui passent la barrière en sautant. Un pétard dans la bouche et je suis peut-être le Gainsbourg de mon temps. Qui je suis? Celui que la France regarde de travers. Mon rap là tequila qui te met à chaise au bout de trois verres. Je te mets à terre et confirme ma formation de lutteur. Comme Martin Luther, j'emmerde le monde. Révolutionnaire, qui je suis? Ce jeune artiste qui vient clasher Mozart. Sorti de la banlieue est à des kilomètres des beaux-arts. L'as de l'écriture qui se fait sponsorisé par Bic. Cagoulé, je suis ce jeune qui vient faire couler la banque. L'IMC, j'ai pas la haine mais la rage comme essence. On se connaît pas, commençons. Faisons donc les connaissances, provenance 7-7. Pour les gars de Roissy, MC Mad in Algérie, j'balance les rimes en série. Ahmed Coma, j'ai pas la haine mais la rage comme essence. On se connaît pas, commençons, faisons donc les connaissances, provenance Best Bar, 18 à Paris, MC Mad in Algérie, j'balance les rimes en série. J'suis le genre de gars, à l'ancienne qu'a de l'honneur, qui comprend pas grand chose au web et aux ordinateurs. Fais sa route avec, toujours un temps d'avance, évite les profiteurs, les keufs, les traîtres et les balances. J'suis ce mec que les flics matent mal, alors la haine s'en mêle. Celui qui se met sur le bas-côté, contrôle de routine. Rubrique fait divers, encore un an. Qu'à la vingtaine, j'crois pas au Père Noël et encore moins que la rouelle tourne. J'suis qu'un gars discret qui te distrait avec du son. Qu'a pas baissé son froc ou même mordu à l'hameçon. Fais du son pour les connaisseurs et l'entourage en attendant de toucher un maximum de pourcentage. J'suis le genre de gars qui fait sa prestation et qui se casse. Ici les gens chauds et disent putain, ce mec est sans sas. J'nique tout sans cesse à vouloir voir les portes s'ouvrir. Qui j'suis? T'inquiète, bientôt qu'un souvenir. L'IMC, j'ai pas la haine mais la rage comme essence. On se connaît pas, commençons, faisons donc les connaissances. Provenance 7-7. Pour les gars de Roissy, MC Mad in Algérie, j'balance les rimes en série. Ahmed Coma, j'ai pas la haine mais la rage comme essence. On se connaît pas, commençons, faisons donc les connaissances. Provenance Best Bar, 18 à Paris, MC Mad in Algérie, j'balance les rimes en série. L'IMC, j'ai pas la haine mais la rage comme essence. On se connaît pas, commençons, faisons donc les connaissances. Provenance 7-7. Pour les gars de Roissy, MC Mad in Algérie, j'balance les rimes en série. Ahmed Coma, j'ai pas la haine mais la rage comme essence. On se connaît pas, commençons, faisons donc les connaissances. Provenance Best Bar, 18 à Paris, MC Mad in Algérie, j'balance les rimes en série.